Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Mag d'Actu sur Radioactive. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro, je vous emmène au centre d'art Le Garage à Amboise qui accueille en résidence depuis plusieurs semaines un jeune artiste talentueux originaire de Tours, j'ai nommé François-Xavier Chagnoux. Un jeune artiste au palmarès impressionnant, diplômé de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, nominé aux Oscars en 2009 pour un court-métrage réalisé à l'École des Gobelins, il a remporté plusieurs prix internationaux, dont le premier prix de dessin de la Fondation Taylor Paris. Exposé dans de nombreuses galeries, mais aussi dans des foires d'art internationales, c'est dans le centre d'art du Garage à Amboise qu'il a posé ses valises après avoir voyagé et fait un travail de recherche en Nouvelle-Calédonie. François-Xavier Chagnoux questionne les mécanismes de mondialisation, de migration et d'acculturation. Nous avons eu la chance de le rencontrer et d'échanger avec lui en le débauchant quelques minutes pendant l'installation de cette expo. Alors François-Xavier Chagnoux, merci de répondre aux questions de Radioactive, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Donc c'est un mois de résidence qui se termine au Centre d'Art du Garage à Amboise. Exactement, vernissage après-demain, donc demain tout est bouclé. Ok, ça aura servi à quoi ce mois en résidence ? À réaliser quelles œuvres ? Là, j'ai réalisé pas mal d'œuvres ici. Il y a des œuvres qui sont in situ, donc qui étaient vraiment pensées pour le lieu, qui ont été installées littéralement dans les murs. Toute cette table vibrante, enfin bon, il y a pas mal d'œuvres avec une grosse installation que je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais une installation qui était assez laborieuse à réaliser. Alors l'exposition, elle s'appelle « Océanotropique, zone de confluence ». Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Alors, on va retrouver plusieurs choses. Donc, l'exposition ici fait partie d'un projet plus global qui englomérait plusieurs antennes au travers le monde. C'est un projet que j'ai commencé en 2020, donc avec Galerie Exo, le château de Tours. Et donc après ça, je suis parti moi au bout du monde pour faire une résidence de 9 mois au centre culturel Tibaou, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et au Vanuatu, qui est encore plus loin, c'est un archipel qui est au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, où là j'étais hébergé grâce à l'Alliance française dans la fondation Suzanne Bastien. Donc je suis resté 9 mois là-bas, donc j'ai fait deux expositions sur place, une collective et une très grosse monographique. Et donc le garage faisait déjà partie du projet, dans la mesure où je savais qu'il y avait certaines œuvres que j'allais concevoir ici, certaines que j'allais rapatrier. Donc là je les ai récupérées il y a 3 jours justement, elles ont voyagé pendant 3 mois. Elles vont arriver à temps alors, pile poil. Elles sont arrivées pile poil à temps, là on les a accrochées hier, donc tout ça se boucle vraiment bien. Et donc c'est un projet, encore une fois, un projet global avec des sculptures, des dessins, des photographies, des installations, notamment des installations que j'ai jamais montrées, qui sont vraiment inédites, que j'ai faites pour le lieu, que j'avais déjà en tête il y a plusieurs années avant de partir au bout du monde. Et je savais que j'allais les présenter ici du coup, donc voilà. Alors c'est quoi la spécificité artistique de François-Xavier Chagnoux ? Comme je vous l'ai dit, moi je suis un artiste visuel, donc je suis plasticien, donc je suis à la fois dessinateur, sculpteur, photographe, réalisateur, graveur. En fait, j'ai pas vraiment de spécialité, mis à part le dessin, parce que toutes mes œuvres passent toujours par le dessin. Mais après cela, en fait, c'est vraiment l'énoncé ou l'idée ou le concept que j'ai en tête qui va déterminer le média et les matériaux qui vont être le plus appropriés pour mettre en avant cette idée. Donc parfois ça va être le dessin, parfois ça va être la sculpture, la marqueterie, la gravure, la photographie argentique. Là on a des installations protocolaires avec des dispositifs qui sont performatifs. Donc voilà. Moi j'aimerais bien connaître un petit peu le parcours artistique, parce qu'il y a eu des belles étapes dans ce parcours. Oui, alors avant d'être vraiment artiste contemporain à temps plein, j'ai travaillé dans le cinéma justement, j'étais réalisateur et notamment dans le cinéma d'animation. Et j'ai travaillé dans des grands studios, voilà, je suis parti aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, j'ai été nominé aux Oscars quand j'avais 25 ans. Et après ça, j'ai repris mes études d'art justement en Bretagne. J'ai tout plaqué pour repasser mon diplôme d'artiste, on va dire. Et voilà, là maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis artiste contemporain à temps plein, ouais. Et alors, la question qu'on se pose, j'imagine, quand on est auditeur, c'est est-ce qu'on arrive à en vivre de tout ça, de son travail d'artiste ? Ça va, je touche du fusain pour l'instant, donc tout va bien. Voilà, après, voilà, ça dépend ce qu'on entend par vivre, mais non, moi ça va, je vais pas me plaindre. Alors, qu'est-ce qu'on dirait aux auditeurs de Radioactive pour leur donner envie de venir découvrir cette expo, et notamment ça démarre ce vendredi 5 avril à partir de 18h. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner très très très envie de venir ? Je voulais juste revenir sur la question que vous avez dit juste avant, du coup, par rapport aux fêtes de vie. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires qui me suivent depuis maintenant plus de 10 ans et qui me permettent de continuer ma pratique artistique. Moi, en tout cas, j'ai une pratique qui est assez onéreuse et grâce au soutien de la Région Centre, de l'Institut français, des ministères divers, du CNAP, de l'Alliance française, voilà, ce sont des institutions qui financent et qui permettent d'élaborer des projets vraiment ambitieux et de permettre de faire des œuvres, voilà, qui ne seront pas forcément achetées par des collectionneurs, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Et alors, qu'est-ce que je peux dire aux visiteurs, ben voilà, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est une exposition sur laquelle je travaille depuis 6 mois maintenant, que c'est un projet global que j'ai entamé en 2020, donc il y a 4 ans, qui agglomère tout un tas de médiums, que j'ai pensé vraiment comme un laboratoire artistique, donc dans lequel on peut voir justement des dessins, des sculptures, des installations, une vidéo, des installations performatives. Et aussi des œuvres justement qui ont eu le mérite d'avoir traversé 22 000 km pour venir ici et qui seront voilà, visibles au centre d'art. Donc voilà. C'est déjà de très beaux arguments. Alors tout à l'heure, on a entendu, on ne va pas le dévoiler, mais une ambiance sonore, c'est prévu aussi ça? Oui, tout à fait, pour cette installation protocolaire, performative et interactive. Donc les gens vont aussi participer dans cette installation. Ils vont l'activer ou pas, justement. Ça, c'est un point qui est très important, c'est que je leur laisse le choix, le libre arbitre, de ne pas le faire. Qui peut être peut-être même plus important que de le faire, à mon sens. Et donc tout ça sera expliqué, évidemment, soit par la médiation. Il y a plusieurs fois où je vais quand même faire des visites ici. Et oui, l'ambiance sonore, en effet, est très présente. Justement, ce sont des sons que j'ai enregistrés lors de cette résidence au bout du monde, pendant 9 mois, où j'ai enregistré tout un tas de sons et d'ambiances différentes. Et donc, il y a cette idée de parallèle entre la région centre et l'antipode du globe pour voilà, tisser un aller-retour entre ces deux institutions qui étaient importantes pour moi. Voilà. Eh bien, merci François-Xavier Chagnoux. On conseille à tous les auditeurs de venir découvrir, parce que nous, on a déjà vu des petites choses, n'est-ce pas, Catherine? Oui, on a très jolies choses. Très jolies choses. Voilà, donc merci encore de votre accueil et puis on vous souhaite une belle expo. Ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remercier surtout aussi Amboise, le Centre d'art, qui m'ont invité à faire cette exposition, avec sa directrice Clémence Thébault, qui fait un travail remarquable, du coup, avec les artistes. Donc, merci à toute la ville d'Amboise, à tous les gens qui m'accompagnent, qui me soutiennent, qui croient en mes projets et voilà, qui sont vraiment des atouts essentiels pour moi. Donc, merci. N'hésitez pas à venir. Vernissage, vendredi, 18h. Et vendredi, on sera le 5 avril. Exactement. Merci, François-Xavier. Merci, merci beaucoup. L'accès au vernissage et à la visite de cette expo sont entièrement gratuits, alors aucune raison valable de ne pas aller la découvrir. Le centre d'art Le Garage, c'est 1 rue du Général Foy à Amboise. C'est en accès libre du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, mais aussi les samedis et dimanches de 11h à 13h, puis de 14h30 à 18h30. Et vous pouvez compter sur l'accueil souriant et attentif de Clémence Thébault, responsable des lieux. C'est la fin de ce mag. Si vous en avez raté une miette, vous le retrouverez sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. À très vite!